Eh bien, en effet, le moment est venu de vous faire entendre la chanson gagnante du concours, le Grand Prix de la chanson canadienne 1957, d'une qualité indiscutable, dont la beauté et la sobriété peuvent rivaliser avec les meilleures chansons. Écoutons ce soir Lucille Dumont, dont la première mondiale de Le ciel se marie avec la mer. Chaque jour depuis mille fois.